Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Certaines vies ressemblent à des tourbillons, des ouragans, des tempêtes. Telle fut l'existence de l'épatante Alice Guy. Alice vit à Paris au tout début des années 1900. Elle brûle d'un feu ardent. Ce feu ardent porte un nom. Le cinéma. Première réalisatrice de l'histoire, première scénariste, productrice et directrice de studio, Alice n'a pas seulement assisté à la naissance du cinématographe. Oh non, non, non. Bien avant Hollywood. Bien avant Charlie Chaplin et son petit chapeau pastèque. Melon, elle a fait le cinéma. Western, mélodrame, comédie. Elle essaie tous les genres. Elle aime prendre des risques. Elle n'a pas peur du danger. Ses acteurs, elle leur demande de faire eux-mêmes leur cascade. Et lorsque le scénario l'exige, elle n'hésite pas à faire exploser de vrais bateaux. Pour le 7e art, Alice Guy s'est donnée sans compter. Bien sûr, tout n'a pas été rose. Elle s'en est pris des murs et quelques bons coups de pelle en pleine poire. Mais tu sais quoi? Chaque fois, elle s'est relevée. Alice Guy est une casse-cou, une femme d'affaires, une immense artiste. Comme une flèche, elle va vite. Elle est en avance sur son temps et sur le monde. Es-tu prêt? Nous embarquons pour une folle aventure au cœur de la magie du cinéma. Attention! Silence sur le plateau! Moteur demandé! L'incroyable odyssée d'Alice Guy, scène 1, prise 1, caméra en place. Ça tourne! Avant de rencontrer le cinéma, Alice Guy a gentiment roulé sa bosse. Nous sommes à Paris, en 1895, notre intrépide aventurière a 22 ans. Pour gagner sa vie, elle est secrétaire. Son patron s'appelle Léon Gaumont, il dirige une société pleine d'avenir, le comptoir général de la photographie. Dans l'immeuble situé au croisement de la rue Saint-Roch et de l'avenue de l'Opéra, du matin au soir, ça travaille dur. On fabrique et on vend toutes sortes d'appareils qui produisent des images comme les fascinantes lanternes magiques qui permettent de projeter des silhouettes sur de grandes surfaces blanches ou les tout premiers appareils photographiques. Ce travail, Alice y tient comme la prunelle de ses yeux. Avoir un métier et son propre salaire, tu te rends compte? Mais c'est géant! Elle n'a de compte à rendre à personne, elle peut faire ce qu'elle veut, elle est libre. À 20h, la porte de son bureau fermée, Alice saute à pieds joints dans le tramway. Elle adore son époque. Comme elle, le monde va vite. Les trains express sillonnent la France, Paris bout comme une casserole d'eau, les rues sont pleines de gens, de vie, de fumée. Et depuis peu, elles sont éclairées à l'électricité. Locomotive, bateau à vapeur, téléphone, automobile, moteur, photographie, les hommes ne cessent d'inventer, d'innover. Alice l'ignore, mais dans quelques jours, sa vie va basculer. Le 22 mars 1895, à 11h30 exactement, Léon Gaumont passe une tête à travers la porte de son bureau. Alice, vous connaissez les frères Lumière? Cette dernière réfléchit. Voyons, voyons, elle a bien des cousins que sa mère surnomme les casseroles parce qu'ils chantent extrêmement faux. Et, en primaire, elle était en classe avec les deux frères de la famille Ampoule. Mais Lumière? Ah non, ça ne lui dit rien. Devant son air légèrement perplexe, Léon ajoute. Mais si, Louis et Auguste, ils ont mis au point une nouvelle invention. Il paraît qu'on va avoir une sacrée surprise. Vous voulez venir la découvrir avec moi? Une invention? Une surprise? Un peu, mon neveu, que ça l'intéresse. Comme un cabri monté sur ressort élastique, elle bondit de sa chaise. C'est oui. Arrivés au numéro 4 de la rue de Rennes, Alice et Léon prennent place dans une grande salle. Quelques chaises ont été installées. Sur le mur face à eux, un immense drap blanc est suspendu. De l'autre côté de la pièce, Louis et Auguste traficotent une drôle de machine qui ressemble un peu aux lanternes magiques. Les lumières s'éteignent. Tout le monde se tait. Sur le drap, soudain, apparaît une image. C'est l'entrée d'une usine. Les portes s'ouvrent, un flot d'ouvriers en sort. Ils marchent, ils vont à droite, à gauche, et ils rient. Alice a le souffle coupé, ses genoux tremblent. Les images, c'est incroyable. Elles bougent, elles sont vivantes. Comme c'est beau, murmure la jeune fille. C'est merveilleux, fascinant. Stupéfaite, elle vient d'assister à la toute première projection de cinéma du monde. En rentrant chez elle le soir, elle y repense. Et le lendemain, et le surlendemain, et les jours suivants, et même les semaines d'après. Elle n'est pas la seule. Autour d'elle, tout le monde n'a qu'un seul mot à la bouche. Cinéma, cinéma, cinéma, cinéma, cinéma. Chaussures ? Oh non, non, non ! Cinéma ! Louis et Auguste ont tourné d'autres films, parmi lesquels la spectaculaire entrée du train en gare de La Ciotat. Cette formidable invention, Alice se dit qu'elle pourrait en faire autre chose. De bien mieux, évidemment. Au lieu de filmer des trains, la rue et des sorties d'usines, en un mot, la réalité, et si elle s'en servait pour raconter des histoires inventées, des fictions, avec des costumes, des décors et des comédiens qui, comme au théâtre, joueraient des mots écrits par d'autres. Mais oui ! Oh, ce serait tellement surprenant et surtout extrêmement amusant à voir ! Alice sait que son patron a l'intention d'investir dans le cinématographe. Le lendemain, à la première heure, elle va le trouver dans son bureau. Monsieur Gaumont, j'ai une idée. Je vais écrire des petites scènes, les faire jouer par des acteurs et les filmer. Prêtez-moi du matériel, vous allez voir, ça va être génial. Je dirais même plus époustouflant. Léon plisse les yeux. Il tapote son bureau du bout des doigts. Puis, il finit par répondre. Bon, c'est une affaire de petite jeune fille, mais pourquoi pas si ça vous amuse ? À condition, bien sûr, que cela ne vous empêche pas de faire votre travail de secrétaire. Une affaire de petite jeune fille ? Bah, diable, que veut-il dire ? Bon, peu importe, Alice peut faire son film et c'est la seule chose qui compte. Elle se frotte les mimines. Elle a, tu t'en doutes, un très bon scénario en tête. Tu as déjà entendu parler de cette hypothèse, pas du tout scientifique, selon laquelle les enfants naîtraient dans des choux ? Eh bien, Alice a décidé de s'en moquer un peu. Voilà qui promet d'être diablement intéressant. Bon, c'est pas tout ça. Maintenant, il faut le fabriquer, ce film. Par où commencer ? Alice n'en a pas la moindre idée. Mais justement, c'est ça qui est excitant. Elle va se débrouiller, bricoler, inventer. Les battements de son cœur s'accélèrent. Elle découvre le puissant, l'enivrant frisson de la création. Alice est une jeune femme pleine de ressources. Elle demande à un voisin de peindre un grand drap qui servira de décor. Quelques amis acceptent de jouer les comédiens. Sur une terrasse abandonnée dans le quartier de Belleville, elle fait installer des rangées d'énormes choux en carton, derrière lesquels elle place de faux bébés en bois. Elle pose son objectif pour la prise de vue. Voilà, tout est prêt. Elle peut transformer le monde en image. La magie peut opérer. Le film dure une minute. Une minute merveilleuse durant laquelle on voit une étonnante fée sortir les uns après les autres de gros bébés à l'intérieur de gros choux. Lors de la projection, les spectateurs rient aux éclats. Ils adorent, ils en redemandent. Léon Gaumont flaire le bon filon. Si la petite Alice tourne d'autres films, à coup sûr, cela pourra m'aider à vendre plus d'appareils de projection. Se dit-il, frétillant comme un poisson. Sans attendre, il commande d'autres films à la jeune réalisatrice. Alice mène désormais une double vie. Secrétaire la semaine, grande artiste du cinéma le soir et le week-end. Elle travaille, nuit et jour, sans s'arrêter. Entre 1897 et 1907, elle tourne plus de 200 films. Il faut voir les œuvres qu'elle réalise. Audacieuse, novatrice. La première réalisatrice de l'histoire, à 1000 idées à la seconde, elle invente toutes sortes d'effets spéciaux. Le ralenti, l'accéléré, les fondus, les surimpressions, elle veut aller loin, elle rêve grand. Alice décide de se lancer dans les super-productions. En 1906, elle tourne un film de 35 minutes sur la vie de Jésus-Christ. Elle fait appel à 300 figurants. Et puis, Madame a une nouvelle lubie. Le cinéma parlant. Et oui, depuis l'invention du chronophone, les images animées du cinéma, eh bien, on peut aussi les entendre. Les acteurs parlent et mes aïeux, c'est époustouflant. Au milieu de cet incroyable tourbillon artistique, l'amour fait une entrée fracassante dans sa vie. Herbert Blacher est caméraman. Il a 10 ans de moins qu'elle, les deux osios tombent éperdument amoureux. Crac, boum, zoom. En 1907, ils s'épousent. Le couple part pour les États-Unis. Youhou ! Une nouvelle vie commence. Pas question pour Alice d'abandonner le cinéma, bien au contraire. En 1910, elle crée sa propre maison de production, la Solax Company, et 2 ans plus tard, elle fait construire un grand studio qu'elle dirige évidemment à Fort Lee, près de New York. Hollywood n'existe pas encore, c'est le studio le plus important des États-Unis. Alice tourne en moyenne un film par semaine. Once upon a time, a long time ago. Elle travaille désormais avec les plus grands acteurs de son temps. La réalisatrice les dirige avec fougue et, oh oh, oui, une certaine poigne. Cut, cut! Peter, what are you doing? I told you to be natural. Coupez, coupez! Peter, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit d'être naturel, comme dans la vie. Est-ce que tu comprends? Tu es un acteur, nom de Dieu, pas un mime! Allez, on y retourne. Elle exige le meilleur de même. Listen to me, Peter. I want you to do the. Écoute-moi, Peter. Je veux que tu fasses la cascade toi-même. Je sais que tu peux le faire. Je te fais confiance. Et bien sûr, quoi qu'il arrive, elle repousse les limites. Yes, yes, I'm going to blow up a real boat. I don't care if it's dangerous. I don't. Oui, oui. Je vais faire exploser un vrai bateau. Je m'en fiche si c'est dangereux. Je m'en fiche des assurances. Je veux que ça ait l'air réaliste. Vous comprenez? Tu veux que je te dise un truc? Elle a bien raison. Le succès est au rendez-vous, ses films marchent du tonnerre, Alice est la femme la mieux payée des États-Unis. Elle fascine la presse, le public. Hélas, le vent tourne. D'abord, son mari, ce crétin, la trompe. Il la quitte pour une actrice. Bon, bon, allez, elle s'en remet. C'est autrement plus difficile lorsqu'en 1921, son grand et magnifique studio de Fort Lee prend feu. En une nuit, Alice perd tout. Alors, elle boit un dernier petit whisky et, enfant et bagages sous le bras, elle rentre à Paris. En France, elle a la ferme intention de tourner de nouveaux films. Mais... mauvaise surprise. Elle trouve porte close. Le cinéma français l'a oublié. Plus tard, les historiens ne citeront même pas son nom dans leurs livres. C'est fou, tous ces hommes du passé qui avaient la fâcheuse tendance d'oublier les femmes. Tu ne trouves pas? Alice Guy, a tourné au cours de sa vie près de 1000 films. Aventurière et sacrément casse-cou, elle a participé à la naissance du cinéma. Beaucoup de sa magie est née avec elle. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Pourquoi les producteurs américains ont-ils décidé, à un moment donné, de construire des studios en Californie, à Hollywood ? D'abord, parce qu'il y avait du soleil toute l'année, et ça, à l'époque, c'est excellent pour les pellicules. Oh, bien sûr, je parle pas des pellicules sur le crâne. Et puis, entre la mer, le désert et la montagne, les réalisateurs avaient l'embarras du choix pour tourner leurs films.